s'habiller. C'est tellement mieux d'être dénudé. Mais pourquoi avoir des vêtements à poil? C'est tellement plus marrant. Je veux être dénudé, je veux être dénudé. Complètement à poil, complètement à poil. Je veux être dénudé, je veux être dénudé. Complètement à poil, complètement à poil. Tout le monde à poil, tout le monde à poil. Les petits et les grands, les enfants et les parents. Tout le monde à poil, tout le monde à poil. Dans les vêtements, c'est tellement plus marrant. Tout le monde à poil, tout le monde à poil. C'est mieux d'être nu et de montrer son cul. Tout le monde à poil, tout le monde à poil. Soyez pas pudiques, montrez vos gros cul. Qui est en train de m'écouter à l'instant, dans votre voiture, au boulot, en train de vous promener sur un trottoir avec vos iPods? Eh bien écoutez bien, vous allez faire ce que je vais vous dire, vous allez vous foutre à poil. Rien à foutre s'il y a des gens autour de vous, on n'en a rien à foutre. Vous vous foutez à poil, vous vous déshabillez, vous montrez votre cul à tout le monde. Allez-y, montrez votre cul. La poêle, la poêle.